Vous venez vous détendre? Installez-vous et profitez avec Kultan Geek. Et bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de Cult & Geek, l'émission 7 de la saison 4. L'équipe, cette semaine, un homme aussi nul que sur Overwatch qui devrait arriver normalement en milieu d'émission, c'est Yacine, qui n'est pas là actuellement. Notre journaliste du web, capable de placer des blagues misogynes dans sa chronique, c'est bien sûr G-Wolf. Pas du tout, c'est pas moi. Bonjour. On se souvient tous de ta blague, G-Wolf. Et enfin, nos demoiselles, elles rigolent sur ses propres vannes, c'est bien sûr Maïlys. Bonjour Maïlys. Salut. Et enfin, la linguiste de l'émission qui est au bord du burn-out, c'est bien sûr Renata. Bonjour Renata. Tu dis ça. Bonjour Rémi. Mais ce n'est pas tout, puisqu'aujourd'hui nous recevons un homme, un youtubeur, un streamer, mais aussi un doubleur et un conteur. Je parle bien sûr de Nakatine qui est avec nous. Bonjour Nakatine. Bonjour à tous, c'est Gilles Oel. Non, pas du tout. C'est mon premier jour en radio, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire cette petite blague. Bonjour, comment ça va? Bah, ça va très très bien. Écoute, est-ce que tu es heureux d'être avec nous ce matin? Très heureux, très heureux. Alors si tu es heureux, c'est parti. Top départ de l'heure, au programme le What the Fuck de Maïlys, l'instant nippon, le top ou flop, le qu'est que c'est, l'actu web de G-Wolf, les coups de cœur du web de l'équipe bien sûr, l'interview de Nakatine, vous en saurez plus sur lui et sur ses projets. Il y aura bien sûr le vrai ou faux, mais tout de suite, comme d'habitude, on commence l'heure avec l'actualité des réseaux sociaux. L'émission 7 de la saison 4 de Cult & Geek, ça démarre tout de suite. Dans l'actualité des réseaux sociaux, cette semaine sur Twitter, ce lundi, il était en top tweet. Je parle du hashtag droit de retrait qui ne concerne pas une technique de contraception, mais bel et bien l'affaire de grève surprise SNCF. Mais c'est vrai que plus d'une personne se sont soulevées pour défendre le droit de choisir sa méthode pour éviter la procréation, comme quoi tout est affaire d'interprétation. Sur MySpace, MSN et Google+, il ne se plaint que ces réseaux n'existent plus. Sur Facebook, la critique du film Joker par les journalistes français n'est pas très bien reçue par la plèbe, les gens. En effet, il semblerait que l'élite culturelle du pays juge le film vide, sans aucun intérêt, ne voyant pas l'importance de rajouter du background autour d'un personnage secondaire d'une franchise américaine. D'après les dernières informations, les fans de DC Comics auraient envoyé des tonnes de comics aux journalistes pour qu'ils apprennent que dans un film de héros, il y a quand même une histoire pour chaque personnage. Et enfin, sur LinkedIn, où le poste de Norbert a complètement buzzé, accumulant au total 10 likes. Félicitations à lui. L'info sociale s'arrête ici, on termine avec cette citation. Au royaume des gland, il y aurait quand même beaucoup de chaînes. Cult & Geek, c'est la meilleure émission. Faux ! Ou pas. Le vrai ou faux dans Cult & Geek. Le vrai ou faux, c'est le premier jeu de cette émission. Nakatine, je vais t'expliquer les règles pour que tu puisses jouer et participer au même pied que toute l'équipe. J'ai des affirmations, vous devez simplement me répondre si elles sont vraies ou si elles sont fausses. Ça me paraît un peu compliqué. Bon, ne t'inquiète pas, on va te guider. On commence tout de suite. Vrai ou faux, en plus de l'erreur 404 Not Found et l'erreur 403 Forbidden, il existe aussi l'erreur 418 qui vous indique que vous essayez de discuter avec une théière. Vrai. Vrai pour G-Wolf. Là, je l'ai mal digéré. Là. J'ai envie d'y croire. Moi aussi. Vrai aussi. Vrai. Allez. Bah non, quand même, ça... c'est trop spécifique pour être faux, je pense. Ça aurait existé sur un site ou quelque chose comme ça. Oh, alors c'est lui qui l'a inventé, t'inquiète, il a beaucoup d'imagination. Hein. Et en fait, c'est vrai, effectivement, elle s'appelle Error 418, I'm Teapot. C'était une blague à la base du 1er avril 98 qui a finalement été conservée. Vrai ou faux, le mot tunnel en français est dérivé d'un mot anglais, lui-même dérivé d'un mot français. Oula. Elle t'en demande beaucoup là. Non, mais... C'est pas l'heure. C'est vrai. Vrai pour G-Wolf. Ouais, j'y crois. Ouais, oui, mais je dirais vrai aussi. Vrai pour Nakatine. Je vais dire faux. Faux pour Renata. Allez. C'est abusé. Je vais dire faux, en vrai c'est du latin. Alors, le mot tunnel est effectivement un mot français dérivé d'un mot anglais, lui-même dérivé d'un mot français. Effectivement, ça part à la base de tonnel pour les tonneaux et ça a été ensuite pour ça s'est transformé en tunnel. Voilà. Voilà, vous savez tout désormais, le tunnel ouais, c'est un mot français à la base. Ah, c'est mais terrible. C'est marrant, je suis remonté dans ma tête dans l'étymologie, c'était vraiment ça que je pensais, mais qui est intéressant. Vrai ou faux, Square Enix sortit le premier Final Fantasy en étant persuadé que le jeu n'aurait jamais de succès. Vrai. Vrai. Alors, vu le truc, aussi, ouais, vrai. Vrai pour tout le monde. Eh bien, c'était faux, en fait. Puisqu'à l'époque, ça ne s'appelait pas Square Enix, ça s'appelait Squaresoft. Et c'était d'ailleurs le dernier jeu qu'ils auraient fait si Final Fantasy n'avait pas fonctionné, puisqu'ils étaient en faillite. Ah bah, pareil pour Epic Games et Fortnite. C'était leur dernière carte à jouer. Mais du coup, ils ont fait un succès, du coup. Super. C'est le baroud d'honneur. C'est ça, exactement. Pourquoi le désespoir, des fois? Et c'est pour ça que ça s'appelle Final Fantasy. C'est la fantasy finale. Ah en gros. Oui, c'est vrai. Voilà, sachez-le. Wow. Vrai ou faux, l'acteur Jack Nicholson pensait jusqu'en 1974 que ses grands-parents étaient ses parents et sa mère était sa sœur. Ouch. Attention, on va faux. Faire chauffer des neurones. Je me suis fait une entorse là. Faux. Faux pour Maëlys, oh, c'est faux pour Nakatine. C'est fou, j'ai rien dit, j'ai dit entorse. Ah d'accord. C'est fou quand même. C'est fou ou c'est faux? C'est fou. C'est fou. C'est fou. Oh là là, c'est fou. Fou hein. Mais quelle bande de petits fous. C'est vrai, ça existe souvent. Hein. Ça arrive. Moi je dis faux. Oh, hein. C'est pas faux pour Nakatine et faux pour D-Wolf, c'est et ça? Et pour moi aussi. Pour l'instant, faux pour Renata également. Et sérieux, faux, je t'ai répondu. Et faux pour Maëlys. Eh bien, c'est totalement vrai en fait. Et c'est même un journaliste qui faisait un reportage faux, sur lui. Je t'ai dit vrai, ça arrive souvent. Ah, mais faut savoir, je pensais que t'étais en réflexion personnelle. Mais pas du tout. Même Renata, elle m'a regardé avec des grands yeux. Bon, mais très bien, bah écoute, c'est. J'ai un point, ok. Donc c'est vrai. C'est un journaliste donc, qui faisait un reportage sur lui qui lui a appris la vérité. Oui, c'est très bizarre. On continue. Wow. Oui, c'est très bizarre, mais écoute. Vrai ou faux, des réseaux sociaux? On répond d'abord à celui de la semaine dernière. Je vous avais posé cette question. Vrai ou faux, à sa création, l'inspecteur Gadget, donc le dessin animé, devait porter une moustache. On avait tous répondu vrai, si je ne me trompe pas. Sauf Yacine, il me semble. Ouais, mais Yacine, c'est Yacine. Mm. Alors perso, j'ai pas entendu la question, ça a coupé au moment où tu l'as dit pour moi, pour Discord. Ah. Alors, je répète la question, vrai ou faux, à sa création, l'inspecteur Gadget, le dessin animé, devait porter une moustache. Vrai. Vrai pour toi. Eh bien, c'est vrai, effectivement, à sa création, il devait porter une moustache, mais ça se rapprochait trop d'un personnage qui existait, ils avaient peur du procès. Hitler ? Non, pardon. Non, pas Hitler. Point Godwin, non, attends. Non, non. Et on continue avec le vrai ou faux des réseaux sociaux de cette semaine. L'hymne de Springfield dans les Simpsons pique son air à la Marseillaise. Vrai ou faux? Ils ont une hymne? Peut-être. L'hymne, ouais, à la Marseillaise. Vrai. Pourquoi pas? Ah non, moi je voyais le générique du coup, mais non. Je sais pas. Non, c'est pas le générique. Je suis la seule. Bon, elle est vraie. Ah, on est dû. Vrai. Faux. Tu avais dit vrai, Maëlys? Ben oui. Vrai pour Maëlys. Moi, je pense qu'il le pique à, que le pique à quelque chose, tu vois, ou à enfin, un truc connu, mais pas forcément la Marseillaise. Je vais dire faux. Et faux pour Renata. Eh bien, la réponse sera la semaine prochaine dans l'émission. En attendant, vous pourrez voter sur les réseaux sociaux pour savoir si c'est vrai ou si c'est faux. On aura la réponse un jour. On va demander de le faire. Et de cette émission, bien sûr, avec l'interview de notre invité, Nakatine. Place à l'interview by Cult & Geek. Nakatine, il me semble qu'il y a deux jours, nous avons fêté ton anniversaire. Est-ce que c'est vrai? Faux. Non, si, c'est vrai. Et bien, dans ce cas-là, on a un petit message. Voilà, et pour son anniversaire, le pauvre, il vient en interview dans Cult & Geek. Nakatine. Est-ce que vous chantez bien? Ouais, t'as vu, j'ai quand même mis une musique, parce que si on chantait, c'était horrible. Non, il faut pas se montrer comme ça, sur la réseau. Hein. Nakatine, tu es streamer et youtubeur, principalement sur League of Legends, et plus récemment, j'ai vu que tu t'étais un petit peu testé à Legends of Runeterra, au fond, du moins, tu faisais quelques vidéos dessus. Tout à fait. Parce que le jeu, je crois, n'est pas encore sorti. Non, je me disais bien, je connaissais pas. Oui, c'est le jeu de cartes annoncé par Riot Games. Alors du coup, on va commencer simplement, Nakatine. Pourquoi Nakatine, d'ailleurs? Alors, pourquoi Nakatine? En fait, c'est un peu compliqué. Alors, l'origine du pseudo, il vient de Minecraft à l'époque. Je jouais beaucoup à Minecraft, mais à l'époque où c'était cool, avant que ça devienne vraiment popularisé par plein de hordes d'enfants. Et j'y jouais avec un copain, et on cherchait un pseudo, tout simplement. Et lui, il y avait les Simpsons qui tournaient en fond à la télé, et il y avait Bart, vous savez, qui faisait des blagues au téléphone à Mo. Ouais. Et du coup, Bart avait fait une blague, il avait dit est-ce qu'il y a un Al dans la salle, est-ce qu'il y a alcoolique. Et Mo, du coup, il fait est-ce qu'il y a un alcoolique, tout le monde se marre. Et du coup, mon pote s'est appelé alcoolique, et moi, je me suis appelé nicotine. Donc, de nicotine, après, ça a bifurqué en acatine, parce qu'à un moment, j'ai vu que ma chaîne commençait un petit peu à marcher, je me suis dit bon, c'est les enfants qui me regardent, qui disent, qui a la maman qui disent bah, qu'est-ce que tu fais, je regarde nicotine. C'était un petit peu compliqué, c'était pas très family friendly. Du coup, bah, j'ai bifurqué, je cherchais pendant longtemps si je changeais complètement de pseudo ou pas, et au final j'ai vu que j'étais parti au Japon, puis que je suis dans le délire One Piece, tout ça, manga, je cherchais Nakama et Nakatine, j'ai fait une fusion Nakama, Nicotine, Nakatine, voilà. D'accord, bah, c'était pour signaler au début que t'étais un petit peu comme une drogue. Tout à fait. D'où le... Oh, le double sens, le double sens. Ça, ouais. Ça fait combien de temps que tu t'es lancé sur WoW et sur Twitch? Sur YouTube et Twitch, pardon. Oui. Vas-y. Est-ce que t'as commencé d'abord par YouTube ou est-ce que t'as d'abord commencé par Twitch? Oh, trop de questions là. Vas-y, ralentis. Il Attends. Est perdu. Reprends du début. On l'a peut-être perdu là en fait. Ah, il me semblait bien que c'était communication. Trop long. Adieu Nakatine. Bon, ouais, bah, c'était petite une bonne émission. Mais de toute façon, sa tête, elle passera plus la porte. Alors. On va prier pour ton âme. Alors. Visiblement, oh oui. En espérant qu'il reprenne la bonne problèmes. Forme. On a un petit souci actuellement. Est-ce que c'est Internet? Oui, c'est bon. Ça a coupé. Effectivement, absolument. Oui, ça a coupé un petit peu. Alors, j'en étais où? Tu en étais... T'as commencé par YouTube ou par l'autre? Oui, voilà. Alors, oui, j'ai commencé par YouTube. Il y a 5-6 ans, en fait, je commençais à lâcher plein de petites vidéos, mais vraiment périodiquement, par-ci, par-là, et plein de types de vidéos différents. Et par contre, je m'y suis mis vraiment régulièrement qu'il y a 4 ans et demi, avec des concepts et des formats et quelque chose qui revenait régulièrement. Après Twitch, c'est venu plus tard. Je faisais toujours des petits streams par-ci, par-là aussi. Mais là, je me suis mis vraiment avec un planning à stream régulièrement que cette année. Donc voilà. D'accord, donc plutôt YouTube à la base et puis ensuite vers le stream. Plus YouTube que Twitch, ouais. Qu'est-ce que tu préfères faire? Tu préfères faire une vidéo YouTube bien travaillée ou est-ce que tu préfères partir en live et puis discuter avec les gens? Alors c'est vraiment deux trucs complètement différents. Je dirais que j'aime à peu près autant les deux parce qu'il y a le côté créatif de YouTube où vraiment tu peux faire plein de formats différents, tu peux faire du montage et vraiment explorer plein de trucs. Et Twitch, c'est vraiment plus pour moi le délire à déconner avec les viewers, on fait des concepts ou même l'aspect un peu tryhard où tu peux jouer en essayant de faire des belles performances et tout ça. Donc c'est vraiment deux univers complètement différents, j'aime bien les deux. Vu que je viens de YouTube depuis plus longtemps, je dirais YouTube, mais sinon c'est à peu près pareil quoi, pour moi. D'accord, écoute, je vais laisser un petit peu l'équipe poser ses questions parce que je sais qu'il y en a un qui a bossé cette interview. Non, il est chaud, c'est bien sûr J-Wolf. Bonjour. Bonjour, on ne se connaît pas trop. Je te propose d'ailleurs de faire comme si on ne se connaissait pas du tout. Du coup, c'est la première fois qu'on se rencontre, toi et moi, et j'aimerais savoir une petite chose. Est-ce que tu manges? Moi, j'aimerais savoir d'abord quel contenu tu préfères faire sur ta chaîne. Quel contenu je préfère faire? Alors, celui qui au final est le plus accroché, je dirais que c'est les histoires champions. Et bah, vu que la communauté a aimé et que moi j'ai de plus en plus aimé les faire, c'est ça vraiment qui revient. Donc je les travaille de plus en plus et vraiment c'est le truc dans lequel je mets le plus de cœur à l'ouvrage. Ok. Et c'est quoi la prochaine histoire de champion? Teaser. Du coup, alors c'est pas tout à fait défini. C'est soit Kindred, soit. Je sais plus qui. C'est mais ouais, plutôt Kindred apparemment. Okay, ça partait d'accord. Là-dessus. Je laisse toujours les viewers décider de toute façon à chaque fois. Eh bien d'accord. Et dis-moi, est-ce que tu as des projets en prévision, quelque chose qui touche peut-être. Et tu l'as vu ton exclu hein. Non pas du tout. Juste pour ça parce que dès le début de l'interview hein, il non, a pas la calmez-vous, fin. Calmez-vous. Ouais. C'est juste que Rémi a déjà posé des questions donc j'en fais d'autres et tout. Mais du coup est-ce que tu as des choses de prévues sur ta chaîne YouTube, peut-être des plus gros projets, je ne sais pas, des partenariats, on ne sait pas. Alors, pas spécialement de gros projets, par contre, il y a quand même un truc assez gros, c'est une grosse histoire de champion, en fait, parce que dans les histoires de LoL, il y a les histoires de champion de base, en fait, qui donnent juste, en gros, un background aux champions, et il y a des histoires plus développées qui sont des nouvelles de... ça prend peut-être une heure à lire, et du coup, je voulais en faire une de ces grosses nouvelles en vidéo, mais avec les gens avec qui je travaille qui font de la voix, et c'est vraiment un gros truc, quoi, c'est sur plusieurs semaines de travail. Donc il y a ça, et il y a aussi Padge, avec qui j'ai fait quelques vidéos, qui était chaud pour faire une histoire de champion, mais je dis, voilà, je tisse pas plus. Ok. Ah, c'est dommage. Comment est-ce que tu les trouves d'ailleurs, ceux qui font un petit peu les voix avec toi, les comédiens de doublage qui viennent avec toi, est-ce que c'est toi qui leur écris tout le texte, est-ce que tu leur envoies et puis eux ils enregistrent, ou est-ce qu'il y a un petit échange en te disant « Ah moi je verrai plus ça comme ça » et vous réfléchissez ensemble à la meilleure façon d'enregistrer ? Alors bah, en fait de toute façon les textes c'est même pas moi qui les écris, c'est des histoires qui sont déjà publiées sur les sites de Riot, mais du coup ce qu'on fait en général c'est que en fait je travaille avec deux gars et une fille et on voit qu'est-ce qui colle le mieux pour telle ou telle voix, pour si on fait une voix d'enfant par exemple la fille peut plutôt partir là-dessus, si après il y en a un qui préfère faire des voix graves ou des voix un peu monstrueuses, d'autres qui préfèrent faire des voix de vieux donc c'est on adapte. Et sinon, on voit vraiment qui préfère faire quoi. Et là, par exemple, pour l'histoire d'Amumu, la dernière que j'ai sortie, il y avait pas mal d'enfants dans l'histoire. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'ils ont pris des enfants de leur entourage et on a eu des vrais enfants aussi qui faisaient les voix dans l'histoire. Donc, c'était sympa. D'accord. On est en Chine. Vous n'avez pas séquestré les enfants pour avoir leur voix. Très bien. Oui, ils ont été payés 2 euros ou 4 euros De 1,50€ de l'heure. Ah oui, bon, ça va. Vous l'avez exploité. Renata, est-ce que tu as une question pour notre invité? Déjà, une très très générique. Pourquoi League of Legends à la base? Qu'est-ce qui t'a attiré en fait dans le jeu? Comme je disais, je jouais à Minecraft à la base il y a vraiment longtemps. Oui. Et j'ai des potes qui ont bifurqué sur LoL en fait et qui jouaient en parallèle depuis un petit moment. Et j'ai un pote qui est vraiment mon meilleur pote qui est parti sur le jeu avec lui un moment et j'y suis allé aussi. Et au final, j'ai commencé à jouer avec des gens qui jouaient depuis longtemps. Je me faisais bien exploser, mais j'ai quand même réussi à accrocher bizarrement là où des gens qui seraient néophytes avec le jeu. En jouant avec des gens plus expérimentés, je pense aurait pas trop accroché. Vraiment, l'univers m'a piqué au cœur et j'ai pas arrêté depuis quoi. J'ai fait des pauses, mais j'ai jamais vraiment arrêté le jeu. T'as commencé en quelle saison? Pardon. Vas-y. J'ai commencé en fin de saison 1, début de saison 2. Ok, d'accord. Ah oui, donc t'es là depuis tout début du jeu, quoi. Ah ouais, depuis longtemps, ouais. Ouais, vraiment. Et du coup, c'est le côté un peu stratégique qui t'a plu ou c'est... Ouais, alors j'avais jamais vraiment fait de jeu de stratégie avant, mais c'est vrai que c'est vraiment pour commencer un jeu de stratégie, là c'est très bien. Et vraiment, puis il y avait l'aspect, je jouais beaucoup avec des bandes d'amis et tout ça, donc on déconnait pas mal. Et puis même après, petit à petit, tu découvres les champions, tout ça, les histoires, les machins. Moi, c'est un truc qui m'a beaucoup intéressé. Ouais, c'est après tout le background en fait. Ouais, voilà tout le background. Ouais. Ça marche. Et une autre question, est-ce que tu joues quand même à d'autres styles de jeux? Bon, à part ce qu'on voit sur ta chaîne déjà, est-ce que tu joues à des FPS, des jeux sur mobile, enfin je sais pas. Alors, jeux mobiles pas trop, mais alors j'ai beaucoup joué à Dofus, j'ai joué à pas mal de MMO, vraiment plein de MMO, sauf World of Warcraft qui est un des trucs les plus connus du coup. J'ai dû faire un perso level 20 puis après je me suis arrêté. Mais j'ai joué à beaucoup de MMO, des FPS un petit peu. Wolf Team, FPS vieux et un peu pour si t'en as entendu parler. Rempli de cheaters celui-là. Ouais, très très bizarre. Mais du coup, Dofus, là, Apex Legends depuis récemment, que j'aime beaucoup, qui est très nerveux. J'ai essayé Fortnite ça m'a plu aussi à un moment, j'ai même fait une chaîne secondaire Fortnite quand le jeu me plaisait, mais vraiment au tout début du jeu. Et après, quand j'ai vu que tout le monde commençait à construire le World Trade Center dès que je leur tirais dessus, c'était compliqué de réagir et j'ai perdu, j'ai pas accroché. Ouais, mais le problème c'est quand ils construisent les tours, toi tu peux pas faire d'avion quoi. Ouais, c'est ça. Oula. Waouh. On glisse un peu là. On passe à la suite. Maïlis, s'il te plaît. Maïlis, est-ce que tu as une question pour notre invité? C'est dur de réfléchir, donc je vais poser une question sur tes hobbies. Qu'est-ce que tu fais dans la vie à côté? Alors, juste avant que tu répondes, il faut quand même savoir qu'elle est venue alors qu'elle est malade. Ce matin, elle avait plus de voix, elle est venue quand même. Donc, du coup, voilà, c'est pour ça, on l'excuse. Alors, qu'est-ce que je fais dans la vie à côté? Maintenant, je suis principalement youtubeur et streamer, donc je fais rien d'autre professionnellement. Mais sinon, les hobbies, j'aime bien tout ce qui est cinéma, tout ce qui est animé, manga. Vu que j'ai passé un an au Japon récemment. C'est bien. C'est sympa. C'est très bien. Et voilà. Sinon, le dessin aussi, j'ai quelques bons. Je dessine moins maintenant, mais je dessinais pas mal pendant un temps. Je faisais des petites illustrations. Tu pourrais faire des champions de LoL justement. Oh. Alors j'en ai pas là maintenant, mais sinon voilà. Après moi c'est plutôt mon petit frère qui est à fond dans ce truc et qui commence à dessiner, qui fait tout de ouf. Mais moi j'ai décroché. Et sinon j'ai faisais pas mal de musique pendant un temps, guitare surtout. Mais là j'ai pareil, j'ai décroché à full YouTube, vraiment full YouTube et Twitch. Donc. Est-ce que t'as eu un groupe à un moment? Groupe, alors non, mais j'avais un pote qui faisait de la basse, on se faisait des trucs ensemble en duo, c'était sympa, mais pas vraiment de groupe non. Est-ce que tu as l'intention peut-être de faire des musiques sur League of Legends, sur tes parties, sur ce que tu peux vivre en jeu, à la limite? Alors, j'en ai fait une, mais c'était juste un délire comme ça, mais c'est pas vraiment truc qui me botte. D'accord. Parce que j'ai pas vraiment ce... Déjà, pour chanter, c'est un peu compliqué. Mais l'aspect après créatif, tout ça, de créer des chansons, j'arrive pas... Enfin, j'ai essayé, j'ai fait l'exercice une fois. C'était assez marrant, mais c'était plus dans le marrant qu'autre chose. Et c'était pas hyper non plus quali. Donc, ouais, non, c'est pas hyper mon truc. Écoute, moi, j'aimerais savoir quelque chose. Qu'est-ce que tu penses des annonces de Riot Games qui se diversifient pour mieux régner? Forcément, il faut poser la question. Alors... Et ben du coup j'ai été invité à Londres par Riot Games justement pour les 10 ans au moment où ils ont révélé tout ça. Et très t'as pas regardé la vidéo? La vidéo, bah si, il y a eu une viewing party, on était dans l'hôtel. Je parlais à G-Watch parce qu'il était là en mode je découvre, tu vois, et du coup je me suis dit mais t'as pas regardé sa vidéo, mais quelle honte. Ah oui, bien sûr, non, j'ai fait full vidéo débrief parce que j'étais beaucoup trop hypé. Mais j'ai découvert ça avec Riot Games et d'autres gens du YouTube et Twitch Game français, et vraiment trop hypé, quoi, parce que bah, en fait j'ai touché un petit peu à Hearthstone, j'ai touché un petit peu à pareil CSGO, Wolf Team, tout ça, donc je suis très jeu de combat aussi, j'en ai pas parlé, mais Smash Bros, tout ça, j'adore. Et du coup vraiment tous les types de jeux qui sortent, moi je suis à fond dedans, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ok. T'aimes bien Nintendo? Ouais, Nintendo, ouais, moi toutes les consoles que j'ai eues, c'était exclusivement Nintendo. J'ai jamais eu autre chose. Ouais, je l'aime bien. La puissance d'une Maïlys malade, c'est qu'on parle de Riot Games et d'un coup, t'aimes bien Nintendo? Non, je suis à côté de la plaque. Tu t'es fait une amie ici, apparemment. deux amis, c'est bien. Voilà, trois amis avec LOL. Moi, j'en profite pour demander, parce que ça n'arrive pas souvent que qu'on ait un invité qui aime bien les animes et tout ça. C'est lequel ton préféré? Ou les préférés, si jamais tu n'arrives pas à choisir, ce qui arrive souvent? Alors, l'anime de cœur qui est préféré, c'est là, et vous voyez pas parce qu'il y a pas de cam, mais j'ai plein de figurines One Piece parce que je suis très dans le délire pirate, tout ça. Mais sinon, il y en a vraiment trop, c'est difficile de choisir. Là, récemment, évidemment, celui qui a tout explosé cette année, c'est Kimetsu no Yaiba. Ah, on est d'accord. Aimé aussi récemment Dororo. Je sais pas si ça parle. J'ai vu l'affiche, mais j'ai pas regardé encore. Mais d'ailleurs, j'en profite pour annoncer du coup un truc dont on ne va pas parler, c'est-à-dire le trailer de Kimetsu no Yaiba, le film. Ouais, j'ai dans vu un ça train. Vraiment vénère. Il est trop bien. Ah, je crois que je l'ai vu aussi. C'est possible. Ah, l'animation, elle est dingue. Ah. C'est quoi ça? Il y a un téléphone. C'est, toi, c'est quoi ça? Non, c'est pas moi. Il y a un téléphone qui fait du bruit. Ah tiens, je crois que c'est Renata. Ah d'accord. On est tous restés choqués parce que d'habitude il est silencieux le sien. Je précise, c'est Détective Conan que j'étais en train de regarder avant d'arriver, qui vient de se lancer sur mon téléphone tout seul. D'accord. Okay. Quand je vous dis et d'ailleurs Détective suivi. Conan que j'adore aussi, moi je mets souvent le thème avant de lancer mes streams pour faire attendre les viewers, vraiment trop bien. Mais je suis déçu parce que la VF, j'adore en VF et on le trouve plus nulle part sur Internet. Ok, ouais. Tu le regardes en VF, toi, Renata? Alors, ouais, est-ce qu'on parle encore de la même chose? Parce que Détective Conan. Ah, Détective Conan, d'accord. J'ai regardé la VF, effectivement, j'ai commencé par ça. Là, je regarde la version japonaise parce que j'ai envie de re-entraîner un peu mon japonais. Mais à la base, j'ai regardé la VF, effectivement, franchement, elle est bonne. Ah, elle est magistrale, la voix de Kogoromoué. Bon, je sens qu'on diverge un petit peu. Là, moi, j'ai deux petites questions encore. Vas-y, ce sera les dernières. Quels sont tes pronostics pour les Worlds cette année? L'Europe G2. Alors moi je vois G2 vainqueur. Après bon, il y a Fnatic aussi qui sont pas mal, mais côté Europe plutôt G2. Mais sinon après pour toi, le cœur dit G2, mais le cerveau dit SKT. Ce serait qui en finale du coup? Finale, je dirais G2 SKT. Ok, d'accord. Et dernière petite question, c'est quand qu'on duo? Alors, ça dépend, est-ce que t'es bien classé? Je suis diamant, mon pote. Hein. Ah, t'es dit, vas-y, let's go. On peut quitter l'émission. C'est bon, la Nakatine vient de se déco en fait. Ils partent avec LOL faire des games. Très bien. On l'a perdu. Exactement. Nakatine LOL, donc c'est à retrouver un petit peu partout sur les réseaux Facebook, YouTube, Twitch et Twitter, hein, bien sûr. Nakatine LOL. D'ailleurs, sur Facebook, c'est toujours Nicotine. Ouais, j'ai essayé de changer, mais Facebook a refusé plusieurs fois. Voilà. Ils veulent pas vraiment. Une fois qu'ils sont accro à la nicotine, c'est bon. Hein, tu restes une drogue. Ils te gardent. Donc voilà, effectivement. Nakatine, LOL, tu restes bien sûr avec nous tout le reste de cette émission. Mais voilà, c'est à retrouver dès maintenant. Si vous êtes un petit peu fan de Riot Games, de League of Legends et de tous les projets qui vont un petit peu sortir, puisqu'à mon avis, on verra des vidéos, non, sur ta chaîne de tout ce qui va sortir. Oui, bien sûr. Je vais pas hésiter une seconde. Bon, super. Pour être à jour et pour faire partir de son équipage, puisque c'est le capitaine. Il le dit lui-même dans sa bio. C'est joliment dit. Exactement. Alors pour faire partie de l'équipage, c'est simple, allez le rejoindre sur les réseaux. En attendant, Nakatine, on va te retrouver très vite avec bien sûr les coups de cœur du web qui arrivent de l'équipe. Il y aura le quai que c'est. Il y aura bien sûr le moment Yacine, puisque Yacine est en chemin, il va arriver. On le sait maintenant. Yeah, il y aura bien sûr l'actu web de G-Wolf. Et juste avant, bien sûr, on fait une pause en musique avec le titre I Don't Need Your Love de Coupix et Despotem feat Ethan Uno. Promises are something I hate breaking in this current situation. I'm an outlaw. Thought that we could make it, but lack of communication was our downfall. Tell me, do you see it different from me? Were we just a fantasy you made me believe? Am I a distraction that you no longer need? Keeping this together, I cannot guarantee, girl. Cause when I need you most, you just wanna move further away. To get away, get away, yeah. You told me you were, but I knew you were never gon' change. But I don't need your love no more. This don't feel the way it felt before. Talk no more. Were we ever real? Cause I can't tell anymore. I don't need your love no more. This don't feel the way it felt before. I don't even wanna talk no more. Was this ever real? I can't tell anymore. I can't tell no more. I can't tell no more. When I need you close, you just wanna move further. C'était le titre I Don't Need Your Love, Coupex et Despotem feat Ethan Uno dans Cult & Geek. Et on passe tout de suite, sans plus attendre, au coup de cœur du web de l'équipe. Chaîne YouTube, chaton trop mignon, l'équipe a flashé. C'est les coups de cœur du web dans Cult & Geek. Les coups de cœur du web de l'équipe, qu'est-ce qui a fait flasher l'équipe cette semaine sur le net? Mais juste avant d'en parler, on va accueillir le seul, l'unique, le vrai, le grand, qui vient de nous rejoindre en studio. Il est en train de mettre progressivement son casque et il ne m'entend toujours pas, si peut-être qu'il m'entend. C'est bien sûr Yacine. Bonjour Yacine. Salut Rémi. Ça va? Tu as bien bossé? Je suis éclaté, explosé, défoncé de partout. J'ai quand même fait l'effort de venir. Alors on imagine bien sûr que ton moment Yacine est prêt. Bien sûr. Dans sa tête. Alors, dans sa tête, je précise. Cette semaine, ce sera un moment Yacine qui n'aura pas d'image, c'est tout. D'accord, très bien. Voilà. Très bien. C'est pas grave. On la note. On t'aime quand les même. Coup de cœur du web de l'équipe. G-Wolf, on commence par toi. Est-ce que tu oui, as ton coup de cœur? Oui, évidemment qu'on commence par moi. Alors, mon coup de cœur de cette semaine, c'est un jeu vidéo qui vient de sortir. Ça s'appelle The Outer Worlds. Ah, j'en étais sûr. c'est du studio Obsidian, c'est ceux qui ont fait Fallout. Non, mais ils trichent parce que j'allais parler de ça en fait. Bah, c'est dommage. Alors, c'est un RPG solo de science-fiction à la première personne, un peu, on va dire, un peu décalé en termes d'humour, mais moi en tout cas, ça me branche bien et je vais y passer des heures. Il l'a très mal vendu. Hein. On écrit ça comment? Oui. The Outer World. Donc the World. The World. le monde de dehors. Ouais, non, mais j'ai, non, mais j'ai cru The Outer Roots, tu vois, pour te dire. Words. Avec un S. Si seulement vous pouviez voir le visage de Nakatine, c'est, il est en mode dépité total. Là. Ah ben, on fait ce qu'on peut. Hein. Est-ce que tu connais la Ah ouais, non, mais c'est un jeu PC. Hein. Ah, ok. Est-ce que tu connais Nakatine? Faut expliquer. Il est sur Epic Games. The Outer Worlds. Du tout. Du tout. Il est sur Epic Games. D'accord. Voilà. Enfin, sur Epic Games pour un an et ensuite oui, il passera. D'accord, oui. Renata, ton coup de cœur, quel est-il? Moi, pour une fois, c'est une chaîne YouTube. C'est Nakatine qui... LOL. Non, quand même pas, tu vois, ça ferait bizarre. Non, c'est une chaîne YouTube qui met en scène en fait un rebelle africain mécontent qui, par plusieurs moyens, en fait, va effrayer ou va. Enfin. Par des pranks, hein, les internautes en fait. C'est Karikou en fait. Oh putain. J'ai imaginé le dessin. Parfois il s'agit. Non mais laissez-moi finir. Bon. Parfois il s'agit de genre de streamers irrespectueux, d'autres fois des gens, tu sais, qui cherchent des sueurs froides sur Omegle, tu sais. Et en fait, il donne leur adresse exacte, des trucs comme ça, grâce à l'adresse IP, des trucs comme ça. Oui, et ils flippent, tu vois, genre, et ils quittent, genre, tout instantanément, c'est assez drôle. En vrai, c'est. Des fois, ils donnent leur nom, notamment pour les streamers. Ils jouent à des jeux dans genre Apex, Fortnite, tout ça, et en fait il leur fait peur dessus, tu vois, en parlant avec un accent africain et tout, une voix super grave, etc. Et il a une sorte d'image 3D qui bouge et qui est assez convaincante, mais image 3D, genre je pense c'est l'image de la vraie personne qui lui il fait bouger, tu vois. Et du coup bah t'as les lèvres qui bougent, les yeux qui bougent, t'as tout qui bouge en fait, et on dirait vraiment. Juste pour faire des pranks en fait. Voilà. Et remettre les gens à leur place. Parce que la plupart du temps, quand tu fais flipper, genre des. Tu sais, ils font des remarques racistes ou des trucs comme ça. Tu sais, il leur dit par exemple dans Apex, ouais, bah je suis un. Genre avec un accent. Hein. Ouais. Il dit, ouais, je suis un Africain et tout, je sais pas quoi, tu vois. Et genre, je vais te marabouter comme ça. Non, mais tu vois, genre, ils font plein de remarques racistes et des trucs comme ça. Et du coup, il les remet à leur place en leur donnant leur adresse, en leur disant qu'il va venir les voir, qu'il s'appelle comme ça, tu vois. Enfin, il donne plein d'infos personnelles, tu vois. Et du coup, le mec, il sait plus où se mettre, tu vois. Il est complètement paniqué. Et je trouve que ça, c'est assez. Voilà quoi. C'est assez glauque drôle. Un peu. Ouais, c'est un peu glauque. Ouais. Bah, surtout quand tu vois l'image du mec. Très bien, merci Renata. J'en prie. Et du coup, c'est Truth Gaming, le nom de la chaîne. Yacine, est-ce que tu as un coup de cœur? Ouais, moi, c'est une découverte scientifique qu'ils ont faite hier. Et ça s'appelle Alzheimer. Non, pas du tout. En fait, ils viennent de découvrir ce qu'on appelle un univers primitif. C'est un univers, une galaxie un peu qui... Enfin, un univers primitif. C'est une galaxie qui est dans l'univers primitif. Et l'univers primitif est la partie de l'espace qui est apparue juste après le Big Bang, on va dire. Et c'est, d'après les scientifiques, c'est quasiment comme découvrir le Yeti. Tellement c'est rare. Sachant que la petite galaxie se situe à un petit 12,5 milliards d'années-lumière, donc ce qui est pas mal en termes de distance. Et la deuxième chose, c'est que les mecs, ils ont analysé un centième. Alors, l'espace qu'ils ont analysé avec le télescope ALMA, c'est un centième de la surface de la pleine Lune. Pour te donner un peu une idée de où est-ce qu'ils ont placé leur télescope. Et par pur hasard, ils ont détecté des ondes gravitationnelles qui étaient dans cette zone-là. Et en zoomant un peu dessus et en essayant de capter un peu mieux ce qu'il y avait, ils ont découvert vraiment une galaxie ultra vieille qui n'a même pas de, en fait, qui n'a pas de raison d'exister. Théoriquement, parce qu'elle est apparue vraiment très tôt. Ouais, voilà. Genre, c'est comme si tu venais de naître, tes parents te disent non, mais t'es pas censé exister, casse-toi, tu vois. On t'a pas voulu. Merde. Voilà, exactement. Et c'est juste impressionnant parce que c'est l'une des plus vieilles galaxies, on va dire, découvertes jusqu'à aujourd'hui. Et ça pourrait faire une avancée énorme pour ce qui est de un peu l'ufologie, des recherches d'exoplanètes habitables et peut-être d'espèces extraterrestres. D'accord. Mais du coup, pourquoi primitive ? Primitive parce que ça fait, tu sais, on va dire que l'espace s'étend sur une espèce de frise, tu vois. Et plus tu vas regarder loin, plus tu vas voir loin dans le temps. Tu le sais. Oui. Et donc là, ils sont partis sur une zone qui est très très éloignée. Ah oui, d'accord, ils ne voient que des images d'avant, du coup, c'est pour ça qu'ils. Mais c'est surtout qu'en fait, elles datent de beaucoup. De vraiment oui, beaucoup. Du coup, beaucoup. Elle n'existe peut-être même déjà plus, puisque les images que. En ouais, soi, ça se peut totalement, mais c'est aussi le fait que, vu son âge, il trouve ça bizarre qu'elle soit apparue si tôt après le Big Bang, en fait. C'est d'accord. ça. D'accord. Et de là, l'univers primitif, bah, c'est la parce partie que c'est réel, le Big Bang. Mais... Peut-être bien. Maëlys, ton coup de cœur. Je viens d'en trouver un à l'instant. Vraiment, j'ai carburé, j'ai cherché. Mais du coup, j'ose pas trop. Bon, tant pis. C'est parce qu'il est ce week-end. Du coup, quand l'émission sortira, ce sera trop tard, malheureusement. Quelle utilité. C'est pas grave, les gens qui nous écoutent sur Twitch, bah, ils peuvent en profiter. Exactement. Oui. C'est ça, puis, en fait. C'est, de toute façon, ça reviendra sûrement. Exclusivité Twitch. Voilà. C'est halal de la machine en ce moment. J'ai plus de voix. Oui. Le halal de la machine. C'est la halal. Halal de la machine. Je sais, j'y étais hier. Il y a des attractions en ce moment gratuites avec un thème un petit peu steampunk, je dirais. Et ça a vraiment l'air super sympa. Ouais. Effectivement, je suis passé il y a pas très longtemps à côté. Oui, c'est à Toulouse, du coup, faut préciser. Faut habiter à Toulouse. Donc là, faut prendre votre billet de train tout de suite maintenant. Exactement. Vous prenez votre billet d'avion, votre billet de train, c'est maintenant et c'est jusqu'à demain. C'est comme ce qu'on a partagé sur Instagram, là, qui a du coup au Carrefour La Beige, donc des animations gratuites Star Wars jusqu'au 26 octobre, donc jusqu'à aujourd'hui, je crois. Ah merde, j'ai pas entendu parler. Je me casse, j'y vais. Voilà, j'ai mis une petite photo sur Instagram. C'était partagé sur notre Insta et t'étais pas au courant. Ouais. Non. Mais il y a pas notre Insta. Est-ce que j'ai une tête à regarder Instagram? Oui. Franchement. Une tête. Une tête. Ouais. Nakatine, une sale tête. Est-ce que tu as un coup de cœur toi pour sur le web? Alors, coup de cœur, oui, ce serait un mouvement un petit peu de foule qui est arrivé. Ben, je crois que c'est sorti hier sur YouTube, sur le YouTube game américain. Je sais pas si vous avez vu MrBeast, gros YouTuber qui a dépassé les 20 millions d'abonnés. Et du coup, bah, en fait, il demandait quoi faire à sa communauté pour célébrer les 20 millions, et sa communauté lui a dit en masse de planter 20 millions d'arbres. Wow. Et du coup, bah, tout le YouTube game américain s'est bougé, ils sont en train de faire ça, et il y a des trucs, il y a plein de gens qui font des donations, 1$, je crois, égale un arbre planté. Donc j'espère que ça va arriver jusqu'en France, parce que c'est vachement cool comme mouvement. On devrait faire la même. Ils plantent avec des drones. Effectivement. Ils plantent avec des c'est drones aussi. C'est vraiment c'est stylé. Ah ouais, c'est vachement bien ça. Ah, ce serait bien justement que des youtubeurs français se bougent un peu pour faire pareil. Ouais, bien c'est bien que Cyprien et tout se mettent un peu au mouvement parce que bah, je pense que ça va faire. Je pense qu'ils vont le faire. Je pense que ça peut être bien. Ouais. Moi, je pense Nakatine, tu devrais commencer à lancer le mouvement, faire des lives comme ça un peu en vlog sur la plantation d'arbres et peut-être que les gens vont suivre. Mais sur la plantation d'autres choses des fois aussi. Enfin bref. Des champignons avec Timo. Et on termine avec mon coup de cœur cette semaine. Bien sûr, on a pas pu passer à côté. Hein. C'est la bande-annonce de Star Wars 9 qui est sortie et qui est actuellement donc voilà en train de diffuser sur notre petit stream. C'est Yacine qui s'est endormi. Très belle bande-annonce de Star Wars 9, l'ascension Skywalker qui sort donc le 18 décembre au cinéma. Elle donne vraiment envie, la musique est parfaite, tous les plans sont très bien. Fanboy. Ouais. Là vraiment ouais. Là j'avoue ouais. C'est quand je l'ai vu, franchement j'avais les frissons. Non mais vous êtes pas au courant, mais il est payé par Disney pour dire ça. Non même pas. Ah et tu fais pas participer. Par contre Disney, chèque s'il vous plaît. Voilà donc voilà un mon euro, coup de cœur, c'était rien. La bande annonce de Star Wars 9 qui vient de sortir cette semaine, la dernière avant le film. Et est-ce que tu vas planter des arbres Non. Par contre du coup j'irai planter des sabres laser. Ça sert à rien. D'accord. On sait jamais, ça peut peut-être en faire d'autres. Allez, après ces coups de cœur, on passe tout de suite à l'actu web et c'est avec toi, G-Wolf. Du what the fuck jusqu'au so cute, c'est l'actu web dans Culte & Geek. Et qu'est-ce que tu vas nous apprendre cette semaine? Il a l'air en panique. Déjà, je pensais qu'on faisait le quai que c'est avant, mais c'est pas grave. Alors, bon. C'est parti. Il y a 2 mois, et sans qu'on le voie venir, Ninja quittait Twitch pour Mixer afin d'encaisser un gros chèque, pour soutenir efficacement le développement de cette nouvelle plateforme de streaming. Absolument. Maintenant, c'est au tour de Shroud de s'en mettre plein les poches, enfin, d'être le second pilier qui permettra peut-être de bâtir une structure solide pour concurrencer Twitch. Vous le savez sûrement, lorsqu'on affronte un adversaire puissant, la meilleure solution est de lui couper la tête. Eh bien, Mixer l'a très bien compris, car voyez-vous, ils ont vraisemblablement décidé de s'attaquer à toutes les têtes d'affiche des jeux, plus streamé sur Twitch. Si Ninja représentait Fortnite, Shroud, lui, faisait d'énormes audiences sur Apex Legends, CSGO, PUBG, où il y a encore des gens qui y jouent, et il devait aussi en faire sur Call of avec la sortie du dernier, d'ailleurs qui est sorti. Quelle sera la prochaine tête qui roulera au pied de Twitch? Je me le demande. Cependant, il n'y a pas que cette question que je me pose, et je dois avouer que je ne m'étais pas vraiment renseigné sur Mixer jusqu'à maintenant, mais avec l'annonce de Shroud, je voulais en savoir plus. Pour être plus précis, je me suis demandé d'où venait toute cette thune pour débaucher, enfin je veux dire, pour recruter avec de bons arguments les gros calibres de Twitch. Et ben c'est Microsoft, c'est Bill Gates, on peut rien y faire, fou FF15, il a trop de thunes, il a trop d'argent, il est trop nombreux. Il est trop nombreux. Il est trop nombreux. Faut quand même se dire qu'il s'est cassé le cul à écrire tout ça, c'est impressionnant. Putain. Ah bah, c'est bien écrit en plus. Semaines, c'est bien écrit, toutes les semaines, non mais. C'est pour ça, j'aime bien écouter ça. Ça fait une petite histoire à raconter. Mais ouais. C'est trop bien. Bref, si je peux me permettre une prédiction, je dirais que du côté francophone, ça risque d'être Gotaga qui se fera enrôler dans le mixeur. Bah merde. tu mets combien de temps pour trouver les jeux de mots des bas? Oh, il réfléchit, je pense. Plus tard. Bon. Alors, si vous ne le saviez pas, il va y avoir une adaptation live-action de Cowboy Bebop par Netflix. Si vous ne saviez pas ce qu'est Cowboy Bebop, vous êtes sûrement un main riven avec toutes les conséquences intellectuelles qui s'en suivent. Mais vous êtes tout de même les bienvenus ici, car il faut de tout pour faire un monde. Alors, pourquoi j'en parle ? Eh bien parce que le tournage est mis en pause après un accident, et ce n'est autre que l'acteur principal, John Cho, celui qui joue Spike, qui en a été victime. Il a pris un coup de froid. C'est donc une pause de... c'est donc une pause de 7 à 9 mois de tournage, et Netflix a indiqué ne pas vouloir changer d'acteur et simplement attendre qu'il se rétablisse. Petite précision, oui, John Cho, c'est bien celui qui joue dans Harold et Kumar. Je vois pas. Vous connaissez pas, mais non. Non, c'est... Mais merci pour la précision. C'est lequel, c'est Harold ou Kumar? Un des deux. Alors, on sait pas lequel. Apple a reçu le premier award du City. Mais dis donc, Jean-Loup, qu'est-ce que c'est que le City? Eh bien, très chère personne qui écoute ma chronique avec assiduité, le City, Corporate Information Transparency Index, est une organisation qui mesure les efforts environnementaux des grandes entreprises vis-à-vis de leur chaîne d'approvisionnement. Oh là là, mais ça a l'air bien compliqué tout ça. Eh bien, en fait, pas du tout. Pour faire simple, Apple soigne son image et fait un peu de bien à la planète. Ils ont, par exemple, financé une ferme d'éoliennes dans une province chinoise. Mais ce n'est pas tout, Apple a obligé nombreux de ses fournisseurs à s'équiper d'infrastructures éco-responsables. Panneaux solaires, gestion des eaux usées, ce genre de choses. C'est une très bonne initiative qui sera, je l'espère, suivie par d'autres grandes entreprises. Sinon, bah, on risque de mourir dans 20-30 ans avec le réchauffement climatique. Info flash. Harold. Bien joué. Info flash, NordVPN avoue avoir été hacké en 2018. C'est la fin de l'info flash. Ensuite, on va encore parler d'un hack parce que CCleaner, le logiciel qui est censé nettoyer nos PC, a été hacké. Un malware s'est glissé dans les deux dernières mises à jour et a envoyé diverses données comme le nom de l'ordinateur, son adresse IP, la liste des logiciels installés et en cours d'exécution, pardon, ou encore la liste des cartes réseau à un serveur. Ça a envoyé à un serveur basé aux États-Unis. Cependant, Piriform, l'éditeur de CCleaner, a assuré qu'aucune donnée confidentielle n'a été ciblée. Et évidemment, on y croit tous. Techniquement, la vulnérabilité a été corrigée et Piriform invite ses utilisateurs à vérifier qu'ils ont la toute dernière version installée sur leur ordinateur. Ça s'est arrêté à la frontière. Pas mal. Non, mais c'était un malware, mais un malware poli. Ouais. Il était juste là, tranquillement. Ouais. Alors, mais pour finir, The Last of Us Part 2 sortira finalement le 29 mai 2020 et oui. Non plus le 21 février 2020, comme et cela oui. avait été annoncé. Le studio déclare, nous sommes rendus compte que nous n'avions tout simplement pas le temps, pas assez de temps pour avoir le jeu à un niveau de polissage que nous pourrions qualifier de qualité Naughty Dog. Bon, c'est un peu compliqué, mais c'est juste pour dire... C'est de la merde. C'est juste pour ne pas... Je pense qu'on les compare avec Ubisoft qui a l'habitude de finir ses jeux avec de la pisse de chat. Voilà. Bethesda, 1-2. Bon, j'avoue, il y a Bethesda aussi, mais bon. Alors, Bethesda fait encore plus fort. Quand même. C'est tout pour aujourd'hui, merci de m'avoir écouté. Merci G-Wolf pour cet actu web. Et on aurait pu rajouter Electronic Arts dans le lot qui, lui, ne finit pas ses jeux. Il est fini après les avoir sortis et c'est en DLC. C'est vrai. Oh, Tomb Raider, il était pas trop mal à la sortie, franchement. Ah, c'est Square Enix, là. Ah, merde. C'est pas mal, Elix. Je veux rentrer à ma maison. Comme Eric Cartman. Elix, elle est là en mode, je suis venu ici pour souffrir, ok. C'est vrai, exactement c'est ça. Mais je le dirai pas parce qu'elle a posé un brevet. Merde. Allez, G-Wolf, on continue avec toi, avec le kick que c'est tout de suite. Il était une fois... un homme qui en fait était méchant, mais il était malade. Et à la fin, il meurt. Mais qu'est-ce que c'est ? C'est maintenant, dans Kulten Geek. LOL. Le qu'est-ce que c'est le deuxième jeu de cette émission. Nakatine, je t'explique les règles. On doit résumer de la pire façon qui soit une œuvre, que ce soit un film, un comics, un manga, une série, un cucurbitacé, un chien, un chat, bref, tout ce que tu veux. Mais ça faisait longtemps le cucurbitacé. C'est ce que je me disais. Très longtemps. Ouais. À chaque fois, j'y pense. Mais ça va être résumé de la pire façon qu'il soit. Notre but à tous, c'est de trouver de quoi celui qui résume parle. On a au maximum 3 indices et tous ensemble, on a 3 propositions à faire au grand maximum. C'est pas 3 chacun, c'est 3 ensemble. Il me fixe avec un regard genre vous allez jamais trouver. si, je pense que ça va. Est-ce que tu as compris, Nakatine? Oui, plus ou moins. Parfait, très bien. Faut deviner quoi. D-Wolf, c'est à moi. On t'écoute pour le résumé. Alors, pour les besoins de ce qu'est que c'est, je ne vous dirai pas s'il s'agit d'un film, d'une série, d'un jeu vidéo, d'un manga ou d'un animé. Oh, il prévient. Alors, c'est l'histoire d'un psychopathe ingénieur dans le BTP qui arrive un jour sur une île au milieu de l'océan et qui décide de tuer tout le monde. Ah, c'est un jeu vidéo. Oh putain, là. J'attends le premier indice, D-Wolf. Ben, vous voulez le premier indice? Ah oui, puisqu'on a 3 propositions, il y a 3 indices. Normalement, tu donnes l'indice numéro 1. Ah d'accord, indice numéro 1. Souvent, le plus souvent, il filme ses massacres. Ah, ça me fait penser, mais je me souviens pas du tout du nom, en fait. Attends... Jason? Attends, vendredi 13? Nakatine, tu as dit? Non, je disais, je vois pas non plus. Je vois le BTP, ça... Vous voulez que je répète? Il me semble que c'est un jeu vidéo court, à choix. Peut-être. Moi, il me semble que c'est un jeu vidéo de survie ou... Ouais, vas-y, vas-y, répète. C'est l'histoire d'un psychopathe ingénieur dans le BTP qui arrive un jour sur une île au milieu de l'océan et qui décide de tuer tout le monde. Putain. Alors, pourquoi le BTP? C'est quoi, ça me fait penser à Slender parce que... Il passe à travers les murs. Peut-être un deuxième indice. Oui, mais alors quelqu'un qui passe à travers les murs, il travaille pas forcément dans le BTP. Il faut d'abord qu'on se concerte. Il faut d'abord qu'on se concerte pour la première proposition. Avant le deuxième indice. Nakatine, est-ce que tu as une idée? Là, comme ça, du tout. Du tout. Vraiment? Renata, Yacine, Maïlis. Moi, j'ai dit Slender. Bon, ben, on part sur Slenderman. Vas-y, première proposition. Est-ce que t'en as une autre? Non, je vais la garder pour après. Vas-y. T'es sûr? Oui, je vais la garder pour après. Slender. Allez. C'est pas ça. Du coup, Slender. Pas du tout. Voilà. Ça, deuxième sûr. Indice. Indice numéro 2. Son second métier, c'est bûcheron. Ok, c'est un gars qui pète des arbres. Ok, juste une hache. Attends, dans le BTP, c'est peut-être parce qu'il construit des trucs sur l'île. Attends, ça me fait penser au jeu de survie là, qu'il y a en ce moment à la mode. Oui. On peut être en groupe. Mais c'est pas The Forest, c'est... Non, c'est... Squeezie, il a fait pas mal de lives mais sur mais ce oui, jeu. Mais oui, mais oui. Ah oui, je vois ce que c'est. Tu pensais à quoi, toi, Yacine? On dirait que tu l'es dérangé dans sa vie. C'est celui où tu peux incarner soit le tueur et genre il y en a plein de différents et tu tournes dans une map. Friday. Pourquoi tu rigoles comme ça? On est loin. Vendredi 13 avec Jason et tu dois t'enfuir et lui il doit te massacrer, je pense. Non, c'est pas ça. On parle d'un autre. Alors non, je sais pas. C'est pas Garry's Mod non plus, Renata. Pardon? C'est pas Garry's Mod non plus. Non, où je y a, pense pas qu'elle. Alors je parle pas de ça. Non, je pense pas qu'elle parlait de Garry's Mod. Non. Nakatine, toi qui n'es pas en studio, tu as la possibilité d'utiliser. C'est le jeu là où. C'est le jeu où il, où genre où le tueur quand il arrive à t'attraper, il te met sur, il te plante sur un truc. Et genre après Dead il faut by que. Daylight. Ouais, voilà, c'est ça. Ah ben non. Mais c'est ça le jeu que je cherchais. Après, je te propose pas. Non, mais c'était une proposition plausible. Voilà, est-ce qu'on est très très loin ou ça va? Ah, je dis rien moi. Non, je sais si on est vraiment très éloigné. Il y a un troisième indice au cas où. Voilà. Vas-y, du coup, tu la prends en proposition. Attendez, parce que moi, genre, on a parlé vas-y. De bûcheron. Moi, du coup, je voyais bien la. Je voyais bien la fin de Dexter parce que psychopathe bûcheron. Mais non, peut-être pas en fait. Est-ce que c'est en plein milieu de l'océan? Avec l'île et l'océan, il va s'accrocher. Non, ouais, c'est ça qui filme. T'as des côtes, genre. Ça se trouve, c'est une maison au milieu d'un lac, tu sais. Bon, vas-y, troisième indice. Indice numéro 3, à la fin, il ne reste que lui. Oh putain. Non, sans rire, s'il massacre tout le monde, il reste que lui! Sans blague! Cuivre. Écoute, je trouve que mes indices sont pas mal. Non, il a des achilles. Putain. Allez, une idée au pif. Ah, mais c'est Fortnite. Bah oui. Ah, je suis trop con. Bah oui, ingénieur dans le BTP. Bah oui, c'est Fortnite. Oh putain. Je viens de capter en plus. Genre, ça m'a fait comme ça là, un petit hint. Mais c'est Fortnite ça, mais. Évidemment que c'est Fortnite. Putain, il te l'a raconté d'une façon, on imaginait vraiment, genre limite horreur. C'est vrai, il a pas bavé. Oh putain, mais Yacine qui est sorti. Bah attends, c'est Fortnite. Alors, mais non, mais demande... en plus, c'était comme si c'était complètement naturel. Mais c'est Fortnite. Je demande l'autorisation de frapper. Ingénieur dans le BTP, on construit les trucs dans Fortnite. C'est vrai, hein. C'est vrai. Et psychopathe parce qu'il tue les gens, c'est ça. Bah oui, il filme ses trucs, c'est les streamers et tout. Donc. Ouais, non, le truc de filmer, il met sur la mauvaise piste. Mais... Ouais, je sais, mais complètement. Ah, hey, ça n'a rien à voir avec le jeu, c'est de mal résumer. Le salaud, le salaud. Dans l'exemple mal raconté, bah c'est sûr que c'est mal raconté. Bah bravo G-Wolf pour ce Yacine. Très beau kick que c'est. Bravo Yacine, à toi d'avoir trouvé. Bravo. Au dernier moment, tu es notre sauveur. Et ça tombe bien que tu aies trouvé. Mon deuxième prénom, c'est Jésus. Ah merde. Allez, on continue avec toi du coup, Jésus, avec le moment Jésus. Mais de quoi va-t-il nous parler ? À ce qui paraît, tu parles de moi. On va le savoir très vite, c'est le moment Yacine. Il est de retour avec nous, c'est bien sûr Yacine, alias Jésus. De quoi vas-tu nous parler dans ton moment ? Alors déjà, je tiens à prévenir que, comparé à G-Wolf ici présent, qui a écrit complètement sa chronique, j'y vais enfin, à nouveau, à l'impro, évidemment. Parce c'est ça que ta j'ai marque passé, de fabrique. J'ai passé une semaine à travailler, j'ai dormi très tôt, me suis réveillé très tôt, donc j'ai pas du tout eu le temps, mis à part quelques petites games d'Overwatch avec toi, évidemment. Ça, c'est oui, normal. Tu es très nul, d'ailleurs. Je me suis amélioré. Maintenant, je joue Ash et Macri. D'accord. Mais là n'est pas la question. Enfin, si, en soi, si, c'est un rapport avec Overwatch, étant donné que j'ai pu jouer avec toi. Tu vas la cracher, ta pastille. J'ai pu jouer avec toi grâce au Shadow. Oui. Tout le monde connaît le Shadow. Tu vas parler du Shadow? J'ai testé Shadow même. Voilà, bah moi je vais parler aussi de mon petit test de Shadow, sachant que j'ai pas la connexion la plus ouf de tous les temps, j'ai pas un PC qui soit excellent non plus, donc même compatibilité c'était assez galère. Et pourtant j'ai une très bonne expérience et je m'attendais pas du tout à ça en fait. Pour remettre un peu le contexte, hein, pour ceux qui connaissent pas le Shadow et qui entendent ce nom pour la première fois, c'est un ordinateur en streaming. Autrement dit, c'est un ordi qui est à distance, qui est dans une espèce de zone ou avec plein d'ordinateurs connectés, et on a la possibilité de recevoir l'image et d'envoyer des signaux via un streaming, comme si on regardait un du cloud gaming. C'est du cloud gaming, oui, voilà, exactement. Bon, après ça reste, voilà, tu streams quand même l'image de ton PC. Oui. Et donc quand j'ai lancé, bon, pour la première fois, sachant que j'ai pas le boîtier, j'ai rien du tout, j'avais juste le logiciel, je me suis dit bon, ça va être galère. Effectivement, je l'avais testé sur mon Chromebook au départ, ça a été très galère parce que malheureusement les Chromebooks qui sont compatibles avec les logiciels Android, si ton Chromebook n'est pas tactile, tu ne peux pas utiliser le logiciel Shadow. Ah, c'est quand même ballot. Voilà, donc la souris, même si elle était branchée, même si elle était visible, n'était pas du tout détectée. À un moment, je sais pas comment j'ai fait une manip, ça a fonctionné pendant 2 minutes, j'étais content sa mère, et ensuite ça a arrêté de fonctionner. J'étais là, ok, d'accord. Troll. Et ouais, non, c'était un troll complet de la part de mon PC en fait. Et au final, j'ai laissé tomber mon Chromebook que j'ai laissé de côté. Je me suis dit, bon bah nique, je l'utiliserai pour autre chose. Et j'ai récupéré mon vieux PC portable qui faisait plus ou moins l'affaire, on va dire. Et quand j'ai lancé pour la première fois en Wi-Fi, c'était tout à fait parfait, on va dire, ça répondait directement, il n'y avait pas du tout de latence, la qualité d'image était bonne, je cliquais, c'était vraiment le clic direct, comme si j'étais vraiment sur mon PC. Et une fois l'Ethernet branché, alors là, parfait, je lançais des jeux du style Overwatch en ultra à une centaine d'images par seconde au calme, en plein milieu de combat avec les ults qui pètent de partout, toujours sous le 100 FPS, The Forest pareil, je descends pas en dessous des 80 FPS, World of Warcraft en ultra au-dessus des 60 FPS constants. Même dans une capitale où il y a beaucoup de monde ? Oui, je suis même rentré sur un bon petit donjon où ça pétait de partout, c'était constant sur 60 FPS en ultra. Ça baissait pas du tout. Pas mal. Les seules baisses de framerate peut-être que j'ai remarqué, c'était sur The Forest, mais il est pas optimisé, c'est-à-dire qu'on a eu pas mal de bugs avec un pote avec qui on y jouait, et malgré ça, enfin voilà, il tenait le coup. C'est vrai que par moment je passais sur du 720p. Ouais. Étant donné que voilà, ça reste une image qui est streamée, c'est une image qui est envoyée depuis un serveur vers mon PC, en fonction de la connexion, même si j'étais en Ethernet avec la fibre, une fois que je bougeais sur The Forest, il y a tellement de trucs à mettre à l'image, qu'ils sont obligés de baisser un peu la qualité pour pouvoir garder la réponse directe de la souris, du clavier, etc. Mmh. Mais à part ça, en jouant en compétition, il y a même des fois, je suis sur le Shadow, je veux éteindre le PC, j'ai éteint le Shadow, donc ça me ferme le logiciel. Et je me dis, mais putain, en fait, j'ai pas éteint mon PC, j'ai éteint le Shadow. Parce que j'oublie complètement que je suis sur un PC en cloud gaming, en streaming. Et pour le prix, j'irais même jusqu'à investir pour prendre un Shadow Ghost, donc le petit boîtier qui te permet de brancher un écran, PC, enfin un écran, un clavier, une souris, même peut-être un matos de VR. On peut utiliser les matos de VR comme l'HTC Vive dessus. Et c'est vraiment le boîtier qui est fait pour fonctionner avec le Shadow. Sachant que la consommation est 100 fois plus basse qu'un PC gamer classique. Pour une config tout aussi bonne, il est minuscule, enfin ça tient dans le creux de la main. Le machin, c'est vraiment de quoi avoir les câbles Ethernet, de la souris, du clavier, de la manette, les quelques petits gadgets. Le seul petit défaut, ce serait peut-être que sur PC, quand on utilise le logiciel, on peut pas utiliser de micro casque jack. Mais à part ça, avec un micro casque USB, ça passe tranquille. Best. Alors moi, je me souviens que j'avais testé sur un mois avec pareil, c'était super bien. Le seul problème, c'était pour streamer, du coup, en fait, la webcam ne réagissait pas bien. Voilà, c'est du ça. Du coup, j'avais arrêté. Mais vraiment, c'est super cool. Ouais, ouais. Bah, après, avec le boîtier Shadow Ghost, normalement, ton souci aurait pu être réglé si tu l'avais eu. Ouais, mais c'était vraiment le tout début, donc ils avaient peut-être pas encore ça. Le truc, c'est que même pour bosser, c'est vachement bien. Tu peux ouvrir ton PC sur ton téléphone si tu veux, quoi. Oui, exactement. C'est ce que je fais des fois quand je suis dans mon lit. J'ai envie de terminer un petit truc ou même faire une partie, en fait, parce que je peux connecter une manette sur mon téléphone par Bluetooth. Et je me retrouve donc avec une manette de PS4, Xbox One ou n'importe. Bon, à part Switch, parce que ça marche pas. Et je lance une game d'Apex, je lance une game de The Forest. Du moment que c'est configuré sur la manette, je peux geeker sur mon téléphone, quoi, quasiment. Bon, après, voilà, je parle que du côté gaming et pas du côté bureautique. Hein, après, franchement, moi, mon copain, il avait... moi, je trouve que c'est bien parce que tu peux aussi profiter à genre des ordinateurs qui tiennent plus forcément la route. Et à partir du moment où tu arrives où tu as une bonne connexion, bah, tu peux quand même continuer de le réutiliser. C'est ça. Genre, mon copain, il a un ordinateur, bon, il n'a pas beaucoup de mémoire dessus, tu vois. Du coup, très vite, il n'y a plus de place dessus et tout. Et il avait du mal à l'utiliser pour justement faire du gaming, etc. Et en fait, bah, il a pris le Shadow et franchement, c'était trop bien, quoi. Bah, après, préciser que le Shadow, en soi, directement l'abonnement classique, on a que 250 Go d'espace, ce qui est pas énorme du tout. J'ai téléchargé Destiny 2, Overwatch, The Forest, j'avais plus d'espace. Voilà. Il y a combien d'espace, Ali? 250 Go. Ah bah super. Call of, c'est déjà la moitié. C'est ça. Et faut rajouter, je crois, 3€ à l'abonnement, qui est de 30€ par mois si on prend l'engagement d'un an, ou 40€ si on est sans engagement. Et avec 3€ de plus, on a la possibilité d'avoir 1 Tera. Voilà. Ou 2 Tera si pour 3€. Normalement, si je me souviens bien, si les informations sont bonnes, étant donné que je l'ai pas fait, j'ai pas l'info fiable à 100%, voilà. Mais c'est pas si cher en vrai, je crois. Sur le long terme, tu peux comparer un PC par rapport à ce qu'il y a comme composante dans ce qu'il te propose, c'est vraiment bien en vrai. Complètement, je suis complètement d'accord avec ça. Surtout que même par rapport à une console, tiens, si on prend l'exemple de la PS5 qui va sortir, la config de la PS5 est l'équivalent, ou si ce n'est un peu moins que la config du Shadow. Et par rapport au prix, si tu te mets en sans engagement, même avec le Tera, ça te fait 480€ à l'année à tout péter, quoi. Et c'est une configuration qui est évolutive, donc dans deux ans, t'auras même pas à racheter une carte graphique ou un processeur ou de la RAM. Et en plus, genre, y a pas le truc de l'usure, tu vois, pareil, genre où tu achètes un ordinateur aujourd'hui, maintenant, genre dans 3 ans, tu vas devoir changer parce que justement, ce sera plus compatible, ou alors ce sera plus vraiment performant, alors que là, le Shadow, il continue d'évoluer et toi, tu rajoutes rien, quoi, tu vois. Moi, personnellement, le prochain achat que je fais, c'est le boîtier, parce que si j'ai envie d'avoir un bon écran gaming, une bonne souris, clavier, etc., je pourrais pas faire ça sur mon PC portable. Enfin, c'est mort. Ouais. Donc du coup, le moment Yacine, c'est coup de cœur vraiment pour le c'est Shadow. C'est ça. Et je pense le mois prochain, ce sera coup de cœur pour Stadia. Voilà, on va faire à chaque fois un truc sur le cloud gaming. J'ai mon PC en cloud gaming. Le mois prochain sera peut-être la console en cloud gaming et on aura un retour aussi, hein, qui sait. Très bien. Bah écoute, merci beaucoup Yacine. Donc toutes les informations seront bien sûr à retrouver en extrait sur la chaîne YouTube. Et puis ceux qui nous écoutent actuellement, par exemple le lundi, le mardi ou dans la semaine, vous nous écoutez seulement en l'audio ou la rediffusion sur YouTube, moi je vous invite vraiment à aller voir le chat Twitch de cette émission, puisqu'il y a un échange entre Nakatine et D-Wolf qui est vraiment très très beau. Donc voilà, je vous invite vraiment à aller le lire en rediff après. Allez, avant de passer au top ou flop, l'instant nippon et le what the fuck de la semaine, puisque nous sommes bien sûr en retard sur cette émission comme d'habitude, eh bien on va faire une dernière pause en musique avec le titre de Julian Slink avec Monster dans Kilten Geek. Fire de Julian Slink dans Culte & Geek et on passe tout de suite au top ou flop. Top. Flop. Le top ou flop dans Culte & Geek. Le top ou flop, c'est le dernier jeu de cette émission. Nakatine, je t'explique bien sûr les règles. J'oppose deux noms de films, de séries, de comics, de mangas, etc. Et vous devez me répondre lequel est top ou lequel est flop selon les notes de Sens Critique. Est-ce que tu as compris ? Sens Critique, tout à fait, oui. Est-ce que tu connais Sens Critique ? Oui. Eh bien, sache que ça n'a aucune logique. Très bien. Donc si par exemple on dit YouPorn ou YouGees, top, lequel est top, lequel est flop ? Eh bien, lequel est top, lequel est flop, ce sera X-Hamster. Allez, c'est parti. Lequel est top entre une poupée russe, entre poupée russe et Un jour sans fin ? Oh. Un jour sans fin. L'une est une série, l'autre est un film, mais c'est à peu près le même principe. C'est pour ça que je les oppose. Un jour sans fin. En top, ouais. En top. Un jour sans fin. Un jour sans fin. Une poupée russe. Un jour sans fin. Il y en a un qui a une personnalité ici. Poupée ça va russe pas. Est noté à 6,9. Un jour sans fin, 7,4. C'est donc Un jour sans fin qui est top. Ça paye pas d'avoir une personnalité. Lequel est flop entre Breaking Bad et El Camino ? El Camino. El Camino. Je connais pas. El Camino. Alors El Camino, c'est un film aussi, mais comme c'est la suite de Breaking Bad, c'est pour ça que je les oppose. Un film ? Breaking oui, Bad. Okay. À mon tour d'avoir une perso. Ça va pas payer. Donc tout le monde sauf Miley a dit El Camino, on est d'accord ? Ouais. Parfait. Breaking Bad noté à 8,6. El Camino 6,6. C'est donc El Camino qui est flop. Entre ces deux jeux vidéo, lequel est top ? The Elder Scrolls Morrowind ou The Elder Scrolls Oblivion ? Blue Weed là. Il y a Oblivion. Il y a Yacine qui me regarde. Lequel est top ? Lequel est flop, pardon ? Lequel est top ? Oblivion. Oblivion. Yacine aurait pu te tuer, il l'aurait fait. Oui, là Yacine, oui. Oblivion aussi. Mais tu sais quoi, Yacine ? C'est à moi de m'avoir une personnalité Morrowind direct. Putain. Maintenant, je l'ai dit aussi. Non, t'as dit Oblivion. Non, elle a dit Morrowind. Elle a dit Morrowind. Très bien. Savoir, tu as dit quoi, Nakatine ? J'ai dit Oblivion. Oblivion. Oblivion pour Nakatine, Renata et Eddie Wolf. Pas de goût. Et Morrowind pour Maëlys et Yacine. C'est ça. Et tu sais quoi, Yacine ? Okay. Quand j'ai écrit cette question, j'ai pensé à toi. Mais oui, non, mais attends, elle était facile aussi. Enfin, Morrowind est de loin meilleur qu'Oblivion. Alors, The Elder Scrolls Oblivion est noté à 7,3. The Elder Scrolls Morrowind est noté à 7,3. 9, c'est donc voilà, Morrowind qui est top. T'as vu la montée d'adrénaline ? Non ! Il a failli avaler son carré de travail. Ouais, c'est ça. 7, c'est pas possible. Et enfin, on termine avec vous. D'après vous, lequel est flop entre ces séries animées ? Est-ce que c'est Yu-Gi-Oh, Code Lyoko, Digimon, Beyblade ou Transformers de 1984 ? Pokémon. Non, on cherche le top là ? On cherche le flop. J'ai pas mis Pokémon personne n'aurait dit Pokémon. Mais non. Bah. Je vais les redire tous. Bien sûr. Yu-Gi-Oh, Code Lyoko, Digimon, Beyblade ou Transformers la série de 1984. Digimon, Beyblade. Je pense. Beyblade. Beyblade, moi je dis aussi. Ouais. Beyblade pour G-Wolf Renata, les, Digimon les pour ça Renata. Me quoi ? Non, pour Maëlys. Digimon pour Maëlys, pardon. Excusez-moi. Oui. Beyblade. Beyblade. Et je crois qu'il y a eu une autre réponse. Je sais pas. Je laisse Nakatine. Il me semble qu'il y a eu une voix. Ou moi je vais dire Beyblade aussi. Ok. Moi ce sera Transformers de 1984. Très bien, regardons ça tout de suite. Ouais. On commence déjà avec le mieux noté. Le mieux noté, c'est Code Lyoko à 5,6. Ex-aequo avec Transformers. Mais non. 5,6. Allez, rentre-toi. C'était sûr. Mais oui. Mais nul... En vrai, regardez-le, il est nul à chier. Ah oui, il est nul à chier, mais il est bien noté. À l'époque, bon, voilà quoi. Putain. On continue avec celui qui est juste en dessous, c'est Yu-Gi-Oh! À 5,5. Et ensuite, entre Digimon et Beyblade, celui qui est flop... C'est moi. Beyblade à 4,4. Oh yes. Digimon est noté trop à 5,1. Trop bien. Et c'était bien... quoi déjà hein? T'as dit quoi? C'était Yu-Gi-Oh? Non. Digimon 5,1. Non, Leader qui a perdu. Beyblade. Ah, Beyblade 4,4. Beyblade. Oui. Beyblade. C'est le truc bien. avec les toupies là. Les toupies. Oui, c'est quand même une communauté de Digimon. Hyper vitesse. Non, c'est ouais, pas ça. C'est... D'ailleurs, si vous quand j'étais petit, je faisais si ça. Si vous voulez des Beyblades, il y en a un Burger King en ce moment. Ah, super. C'est vrai? Ce placement produit alors qu'on n'est même pas payé quoi. Genre des vrais ou juste une toupie en mode. Le jouet. Plastique. Le jouet. Est-ce que tu as un jeu vidéo Beyblade? Si tu veux, je t'envoie une photo, j'en ai chez moi. En vrai, j'avais des toupies Beyblade quand j'étais petit, mais des trucs de pro, genre avec des cercles métalliques, une arène et tout, je faisais des bastons. Mais pareil, mais moi aussi. Renata, est-ce qu'il y a le lanceur de toupie avec? Non. Non, non. Bon ben j'irai pas. Merci. Eh ben écoute, après hyper vitesse, on passe tout de suite à l'instant Nippon. C'est l'instant Nippon dans Kulten Geek. Et vu à l'heure à laquelle on est actuellement et qu'il y a quelques personnes sur le chat et sur le stream, je pense que tu leur as donné faim à parler de Burger King, Renata. Alors pendant qu'ils mangent, de quoi vas-tu nous parler dans cet instant Nippon ? Alors déjà je vais faire une... Je vais parler des animes prévus pour l'hiver 2020 que je conseille très très rapidement. J'ai fait une sorte de... De petit top ? Ouais. Ils ont un jeu chelou. Enfin, j'ai essayé de prendre des genres différents et voilà. Et après, je vais faire une petite explication sur les différents types d'épisodes qu'on peut trouver à l'intérieur d'un anime. Enfin, on se dit c'est un peu genre des hors-série et tout. Mm-hmm. Mais du coup, je vais juste rapidement en parler. Donc, très rapidement, la saison 4 de IQ, à ne pas rater. Ça, je vous l'interdis de rater parce qu'elle est trop bien. Pas vu. C'est pas grave, tu vas regarder, je vais te faire regarder. Appelez, il y a Kyoku Suiri, donc... On l'a fait à la japonaise. Appelez. C'est une jeune fille enlevée dans son enfance par des yokai, qui en fait maintenant fait l'intermédiaire entre leur monde et le nôtre. Mais c'est elle quoi, tombe amoureuse des yokai. C'est un esprit. Ah oui, c'est vrai. Mais elle avait fait un exposé là-dessus. Ouais, mais tu vois, aujourd'hui, je suis pas au top de ma forme. Hein. Déjà, je me suis tapé une semaine difficile. Je vais pleurer. Voilà. Donc, mais elle tombe amoureuse. Tu vois, quand je vous disais au début de l'émission, c'était il y a une heure et demie, que je disais qu'elle était en burn-out. Mais en fait, c'est vous qui me mettez en burn-out. Hein. Oui. C'est parce que je fais des chroniques et vous n'apprenez rien de mes chroniques. Est-ce que tu te sens comme un professeur? Oh oui, ils ont totalement sensé le genre, tu répètes 20 fois. Sans les vacances. Si elle a les vacances et tout, ça va. Bon, mais elle tombe amoureuse d'un homme qui semble cacher un secret. Et voilà, on sait pas plus. Donc. Ensuite, Runway de Warate. Donc, c'est une jeune femme. Runway de Warate. Il y a un mot anglais dedans, je sais pas comment on le prononce en japonais. Au début, je croyais que tu parlais du jeu Runway. Non, c'est Runway, donc c'est la plateforme sur laquelle défilent les mannequins. D'accord, ok. Voilà. Très bien. Donc, c'est une jeune femme qui veut devenir mannequin. Voilà, jusque-là, ça va. Et un jeune homme plein de talent pour la création de vêtements qui vont s'entraider pour réaliser leurs rêves. Par contre, la mannequin, elle fait que 1m58. Ah mince. Donc est-ce que c'est possible? C'est moi. Moi aussi. Est-ce que c'est possible? J'en sais rien. Genre dans l'anime, elle fait vraiment 1m58. Genre ils le disent qu'elle fait 1m58. Oui. Okay, c'est là en fait tout c'est le ça, truc. Voilà, c'est ça l'obstacle en fait. C'est qu'elle fait 1m58. Du coup, il y a personne qui veut d'elle comme mannequin et elle va quand même essayer, tu vois. Voilà. Et le dernier, c'est donc Infinite Dendrogram. Donc c'est un SAO-like simplement. Franchement, j'ai mis ça dans la description. Jeu qui stimule les 5 sens, connu pour son réalisme effroyable. Un étudiant va découvrir ce qu'il peut faire dessus. Apparemment. Il y a plein de possibilités. Waouh! Mais voilà, les graphismes ont l'air sympas et je pense que ça peut avoir de l'avenir. Ils veulent vraiment rester secrets sur le contenu du truc. Donc, bon. Donc voilà, ça c'est les 4 animes que je conseille du coup pour l'hiver 2020. Après, il y en a plein qui vont sortir des saisons 2 et des trucs comme ça. Donc voilà. Et donc, la petite explication que je voulais faire, donc, c'est par rapport à tous les épisodes là, qu'on peut voir et tout. Et il faut savoir que ces épisodes donc, qui sont un peu genre hors série, donc dans les animes, c'est un peu genre une façon pour les mangakas d'éviter des dates butoirs. Parce que bon, le manga se fait quand même beaucoup moins rapidement que l'anime, ça il faut le savoir. Ça réduit les coûts en plus. Et en fait, après, on peut utiliser ces épisodes bonus pour soulager l'ambiance, etc. Après, j'ai pas les noms en français, je suis pas sûre qu'on en ait. Mais du coup, il y a des épisodes filler. Donc, c'est pour remplir, on va dire, genre entre deux arcs très très lourds, par exemple, pour raconter un peu une histoire un peu plus légère, etc. On a les épisodes récap, donc, parce que voilà, pour les séries, les animes qui tournent pendant très longtemps, bah, au bout d'un moment, tu te sens perdu si tu n'as pas regardé depuis le début. Donc, il faut au bout d'un moment faire un petit récap. Pour que les gens ne soient pas perdus. Après, il y a aussi des épisodes filler promo film, comme par exemple My Hero Academia, ce qu'ils ont fait, ce qui était pas mal aussi. Et les épisodes Brother, donc tous ceux qui sont à la plage, où ils font du sport, etc. ben voilà, c'est juste pour faire rire un peu les fans de la série sur des thèmes un peu plus. On peut respirer, quoi. Donc ça vient un peu de là, le nom. Très bien. C'est pour ça la plage, l'aération, la respiration. D'accord. Yoga, la porte ouverte qu'il est en train de fermer. Je sais pas, au début il m'a fait comme ça, je croyais qu'il faisait un salut nazi à travers la vitre, je voyais pas bien. Non, je te faisais... Moi aussi j'ai pas compris, je me suis dit, attends, je dois me presser là, non, c'est ça non, l'idée je te faisais signe de fermer la porte parce qu'en fait sinon ça fait un espèce d'effet reflet. Dégueulasse. Ouais, voilà. Ouais, ouais, ouais. Et du coup on ne vous voit plus, dis Wolf et toi sur la caméra. Oh merde, oh, c'est dommage. C'est dommage, c'est vraiment ça, dommage. Les plus beaux quoi, c'est voilà. Pas possible. Oh. Donc voilà, du donc coup, épisode. De... Sa tête. Les épisodes finis. Du coup, oui, on la voyait pas bien. D'accord. Oui, Renata, excuse-moi. C'est oui, non, c'est vrai. Bon, je voulais juste. Mais après, j'ai vu le. Mais arrêtez de l'interrompre, la pauvre. Non, ouais, dans les épisodes filaires, je disais, ça ne fait jamais avancer l'histoire, donc, ou alors très très rarement, parce que justement, ce sont des épisodes qui sont censés rajouter quelque chose, en fait, mais genre au background. Donc, par exemple, on va développer peut-être l'histoire de certains personnages, genre pour les développer un peu, ou juste pour expliquer quelque chose qui va arriver. Ou. Pardon, j'étais en train de faire des petits bisous à la caméra. C'est, en fait, c'est ça que t'appelles des bisous, toi? En fait, je fais l'épisode filler à côté du main story, tu vois. Tu devrais parler en signe à côté, tu sais. Pendant qu'elle parle, tu traduis. Genre, je fais semblant de courir, tu sais, en mode je fais quelque chose d'important et tout, pendant qu'elle raconte tout ça. Là, tu prends l'air à la plage. C'est ça. Voilà, bon, je pense qu'ils ont compris le principe. C'est sûr, ça le principe des fillers et des trucs comme ça. Donc voilà, je pense que c'est bon. On peut passer à la suite. Est-ce que je peux juste récapituler les animes que bien je propose sûr, comme ça? Voilà, on finit là-dessus. Récapépète. Donc la saison 4 de IQ. Oui. Kyoku Suiri. Runway de Warate. D'accord. Infinite Dendrogram. Très bien. Eh bien, écoute, ce sera retrouvé directement donc en extrait sur la chaîne YouTube ou alors si vous écoutez cette émission, eh bien, rendez-vous sur les réseaux sociaux pour demander plus d'explications. Voilà. Bien sûr. Au cas où. Et surtout sur Instagram où c'est Renata qui s'en occupe. Et oui. Donc vous pouvez lui parler directement si vous avez des questions sur les animés. Ah, si, c'est celle-ci. Qu'est-ce que tu cherches? Non, rien. Je cherche la caméra. Non, mais il faisait des clins d'œil à la caméra, sauf qu'on le voyait pas. Donc non, je mais disais... écoutez, on va se mettre vous d'accord. Êtes en manque d'amour, c'est ça? Oui, allez-y, non. Allez-y. Oui, enfin... Je suis célibataire. Alors, notre animateur Bimouf est à la recherche de quelqu'un. Mais rapidement. Qu'on se mette bien d'accord, quand je fais des têtes cheloues, c'est normal, les gars. Je fais l'animation pour la caméra, donc ne vous occupez pas. Allez-y. Merci Yacine. Ouais, voilà. Merci Renata pour cet instant nippon et on passe au dernier moment de cette émission avant de laisser Nakatine retrouver son assiette, son repas et sa journée bien sûr. Il doit en avoir marre. C'est... Et aller voir les Worlds de Lyon. Aller voir les Worlds. Vous chiez ce live à côté là, non pas du tout. C'est le What the Fuck de la semaine. C'est vraiment, mais vraiment What the Fuck. What the Fuck. Le What the Fuck de la semaine, c'est avec toi Maïly, c'est ce que tu en as trouvé, hein, dis-nous tout. Il est fatiguant, Yacine. Je vais démissionner, je pense. T'aurais dû laisser le son des micros, on a eu le yaya. J'ai commencé à faire yaya, yaya, yaya. Voilà, on l'a eu, tu vois, pas besoin de... Bon, je crois qu'on va le faire rapidement parce qu'il y en a un qui est en train de péter un câble. Ouais, je pense qu'il est là, il faut vite prendre l'antenne. Je pense que c'est lui qui est en burn-out, c'est pas moi. Bon, en résumé, on a donc un stagiaire qui a oublié d'allumer les lumières sur un terrain de foot. Donc, pendant un match. Match qui a dû être arrêté jusqu'à ce que les lumières soient suffisamment chaudes pour éclairer le terrain. Il y a eu une pause de 1 heure au milieu du match. Fuck. Sympa. Ensuite, on a une madame. Tout à fait saine d'esprit normalement, qui a décidé de devenir paraplégique. C'est parce que. Bah, pas très saine d'esprit du coup. Attends. Il y a des questions à se poser attends. Là. Est-ce que genre, elle est comme ça, elle va bien, elle a dit maintenant je suis paraplégique ou est-ce qu'elle a fait quelque chose pour réellement devenir paraplégique? Alors pour l'instant, elle a juste eu des attelles pour bloquer le mouvement des genoux et elle a trouvé un médecin pour faire l'opération pour. Carrément vraiment le devenir. Un charlatan quoi. Mais on n'a pas de suite. On sait pas si elle l'a fait ou pas encore. En même temps, c'est fini comme paraplégique. En même temps, tu vois, c'est vachement simple pour devenir paraplégique. T'appelles quelqu'un, il te pète les jambes, c'est bon. Ah non, il faut mieux casser la colonne. T'es sûr que tu récupères pas. Ah, c'est ouais. Vrai. Ouais. Bah voilà, bah un grand coup. Du coccyx. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'elle s'y connaît. Comment mettre les gens, comment rendre les gens paraplégiques. Non, tout le monde sait ça. Parce que c'est... fait de l'SVT, tu sais ça. Un minimum quoi. Non, mais est-ce qu'il y a fini une tête à avoir fait des études. Waouh. Et tu prends cher en plus. Ah, bisous Yacine, allez, à la prochaine. L'opération coûte 16 000 livres d'ailleurs. 16 000, ça fait une belle bibliothèque. 18 500. Tout ça pour plus pouvoir marcher. C'est clair. Worse. Ça pique, les Mon gars. Dieu. Je suis en train de chercher le dernier. Oui. Alors, je vais faire un résumé parce que c'est trop long à raconter. Vas-y. En gros, j'étais sur le bon coin, j'ai traîné pendant un bon moment, et puis à un moment, je tombe sur une annonce pour une cuisinière avec un gars qui a fait un roman avec une histoire de poème et même des tonnes de choses. C'est super beau, mais on va le mettre sur Facebook plutôt, hein. Attends, tu veux pas résumer le poème? Le poème, en fait, je pense qu'en vraie feuille imprimée, il doit faire un aller et un retour. D'accord, recto verso. Recto verso. Ouais, non, elle parle d'aller-retour. Tu viens d'où? Elle est en burn-out aussi, il faut l'expliquer. Dans quel putain d'endroit on dit un aller et un retour? Hé, hey, tu peux m'imprimer les documents en aller-retour, s'il te plaît? Au même endroit où on dit chocolatine, peut-être. Merci. Ça dure là où on habite, en fait. Par contre, tu fais un bloc en autoroute. T'oublies pas les panneaux de signalisation sur le côté. Ouais. Merci. Et la partie nationale, qu'est-ce qu'on fait? Tu peux passer par le péage pour me ramener un café. Bon. Mais il y a quand même. Les gars, arrêtez de rebondir sur mes blagues. Mais ça vient quand même apparemment d'une source Wikipédia. Et il est précis dessous. Elle existe ici et prouve bien que le taux de chômage est en train d'atteindre des niveaux inquiétants dans ce pays. Trop petit point. C'est quoi le rapport? En résumé, bah, en fait, c'est drôle au milieu. Vraiment, ça commence par ami pyromane et ça finit par ça. Ah. Mais je veux pas vous le raconter. Très bien. En fait, non, mais tu sais quoi, non, mais voilà. C'est bien, c'est bien. On va faire une capture d'écran de l'annonce. Je vous le... Et on va l'envoyer sur les réseaux sociaux. Vous pourrez retrouver cette très belle annonce, Le Bon Coin, voilà. Sur nos N'hésitez réseaux. Pas à l'acheter. Hein, elle est déjà partie. Elle est déjà partie. Je voulais la retrouver, je l'ai pas retrouvée. Elle est partie. C'est bon, elle est partie. Merci, du coup. Bah, elle est rentrée chez elle. Oui, il faut bien qu'elle retourne à son pays. En cuisinier Romani. Merci, Maëlys, pour ces What the Fuck. Merci, Nakatine, d'avoir été notre invité, d'avoir tenu plus d'une heure et demie avec nous. Merci. Merci. Quel courage. Tu sais que c'est aussi difficile que terminer les 3 Dark Souls d'affilée. Donc là, t'es prêt. Psychologiquement, t'es prêt. Hein. Là, oui. Là, tu peux Allez, tout faire. Let's go. Petit let's play. Vous pouvez bien sûr retrouver Nakatine sur Twitch, sur YouTube, sur Twitter et sur Facebook. Nakatine LOL, bien sûr. N'hésitez pas à le suivre, à rejoindre son équipage. Vous pouvez également nous retrouver sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Twitch, etc. Merci à nos diffuseurs. On se retrouve samedi prochain, 11h30, midi et demi, normalement, si tout va bien. Avec Yacine qui se recommande pour la prochaine émission. Moi, je vous fais de gros bisous. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Ciao.